Le journal quotidien coréen Le Dong Sinmun du 10 octobre a inséré l'éditorial titré « Le Parti du Travail de Corée établira la meilleure puissance du peuple sous le drapeau kim-il-suniste et kim-jong-iliste à l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée ». Voici le résumé. Pendant plus de 70 ans depuis la fondation du parti, on a fait preuve de la grande force de la vérité des idées révolutionnaires du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il dans la lutte pour l'édification de la puissance du peuple et manifesté la victoire par l'unité monolithique entre le parti et le peuple. Aujourd'hui, notre parti brille davantage en grande organisation kim-il-suniste et kim-jong-iliste qui jouit du soutien et de la confiance absolue du peuple sous la direction du maréchal Kim Jong-un.